Le cheval de sel de Géode Ham. Œuvre publiée sous licence Creative Commons BYNC ND 3.0. En lecture libre sur atramenta.net. Le cheval de sel. La faculté de rire aux éclats est preuve d'une âme excellente. Je me méfie de ceux qui évitent le rire et refusent son ouverture. Jean Cocteau. Le père Antonin se redresse, une main posée à la hanche, dans ce geste machinal comme nécessaire au déploiement de son corps, cette vieille machine bien huilée et lente. L'habitude n'est plus douloureuse. Son regard clair, dans son visage couleur de sable, regarde l'horizon, ce mince phare de mer, à la paupière du ciel, allongé sous l'herbe durcie de sel qui griffe le vent. À ses pieds, un étroit chemin d'argile, parfois blanchi de cristaux, qui se croise et s'entrecroise, mosaïque régulière, entre les carreaux liquides et bleus d'une fenêtre aux vitres d'eau. Le père Antonin s'appuie sur le long manche de son râteau de bois qui crisse sur le petit monticule gris du sel translucide et scintillant. Tout au long des jours, le vent et le soleil, assoiffés, aspirent les vapeurs d'eau qui fleurent des œillets, ces bassins si peu profonds où ils vibrent d'une incandescence insolente. Le vieil homme aime son ouvrage et plus encore ses marais salants en son île. Sans doute parce qu'il y a caché ses larmes et mêlé le sel de son corps. Il est seul au monde, sans l'avoir voulu. Et chaque soir, le vent emporte ses rêves vers ceux qui l'ont quitté. Il ne peut les oublier. Ils sont là, pourraient l'appeler à l'instant, agiter les bras, crier son nom. Un rire cristallin, un joli rire limpide, ciselé, détaché du monde, simple note de musique trouble le songe du père Antonin. Il se retourne et le voit, l'enfant qui rit. Il est beau, de cette beauté irréelle qu'ont les êtres imaginaires. Il est lumineux de son rire. Son visage clair, encadré de fins cheveux pâles, vaporeux comme de la poudre de sel. Accroupi devant un carré de ciel, où les nuages sont de sel, l'enfant rit. Il rit si doucement que le père Antonin s'accroupit près de lui et mêle son rire un peu rauque, intimidé, au chant de l'enfant. Il rit et peu à peu le visage du père Antonin se couvre de larmes. L'enfant ne semble pas l'avoir remarqué, ni entendu, ni vu. Enfin, le rire de l'enfant cesse de s'égrener et le père Antonin n'a plus que ses larmes. Il voudrait prendre cet enfant dans ses bras, poser ses lèvres sur son front, l'embrasser à la folie, lui poser mille questions. L'enfant le regarde à présent, ses yeux sont gris perle, gris sel. Il semble voir au travers du vieil homme, ils sont encore gais. De son index, l'enfant suit la trace d'un dessin léger dans les craquelures minérales de la mince croûte de fleurs de sel. L'image est abstraite, sans doute très belle, et le père Antonin n'a pas de peine à la voir quand l'enfant dit « Le cheval de sel !» Puis il rit et rit encore. Il rit si longtemps que le père Antonin n'entend plus ce rire. Il se redresse, saisi d'une sorte d'angoisse. L'enfant lui fait peur avec son rire qui n'en est plus un. Ce ne sont que des vocalises étranges, d'où la joie est absente. Alors, avec son râteau, le vieil homme brise le cheval de sel d'un geste dur. Il crie plus durement encore « Tais-toi, tais-toi, tais-toi donc ! Qui es-tu ? D'où viens-tu ?» L'enfant cesse de rire. Il ne regarde que le trou d'eau qui frémit encore. Il dit, d'un ton presque étonné, le cheval de sel. Il sourit, lance quelques notes de rire et se tait. Le vieil homme renouvelle ses questions, mais sa voix n'atteint pas l'enfant. « Es-tu sourd ?» Le père Antonin a l'impression de rêver. Sans doute il va se réveiller à l'ombre de sa maison. L'enfant se lève, semble enfin voir son compagnon et reprend, en hochant la tête, comme pour convaincre, « Le cheval de sel !» Le père Antonin est ému et troublé par cet être fragile qu'il devine différent. L'enfant n'a pas répondu à ses questions. Il semble ne connaître que les quatre mots qu'il a prononcés, qui contiennent peut-être tout son univers. Le père Antonin est un homme simple, qui n'analyse pas ses sentiments. Il tend la main à l'enfant. « Viens, viens avec moi. » Il ne dit pas « Je veux t'aimer. » Mais tout est déjà dit, et l'enfant glisse sa main fine dans la main calleuse du vieil homme. Ils avancent alors tous deux, lentement, dans le dédale du labyrinthe savant et laborieux du marais salant. Parfois l'enfant s'arrête, montre une figure cristallisée et répète sa phrase « Le cheval de sel !» Le vieil homme s'arrête au rythme de l'enfant, l'écoute avec patience, semble comprendre. Arrivé dans sa maisonnette, blanche comme le sel, au volet bleu, comme des trouées de ciel sous le sourire rose des tuiles rondes, le père Antonin l'invite à s'asseoir. Il use du geste, car l'enfant est insensible à sa parole. Il dispose sur la table tout ce qu'il possède, le repas humble d'un vieil homme, seul et pauvre. Mais l'enfant paraît ne s'intéresser à rien. « Tu n'as pas faim? Tu as peut-être soif. Veux-tu du lait? Oui, du lait, n'est-ce pas ?» Le père Antonin questionne et répond lui-même, suivant son instinct. Il verse un grand verre du breuvage et le tend à l'enfant qui se met alors à rire, toujours de ce rire, hors du temps, musical. Le père Antonin est heureux. Il a trouvé un chemin vers l'enfant, mais il a peur de voir ce rire devenir mécanique et syncopé, abstrait. Alors il prend la main en filigrane de l'enfant, la place autour du verre et l'aide à le porter à sa bouche. Il lui sourit et hoche la tête. L'enfant le regarde, le voit, il en est sûr. L'enfant boit enfin. Le vieil homme lui a lâché la main, et le verre vidé, la petite main diaphane, le laisse tomber. Le verre éclate dans une explosion de gouttelettes blanches. Le bruit aigu et soudain ne touche pas l'enfant, qui prend seulement la grosse main bourrue du père Antonin et la caresse dessus, dessous, de ses petits doigts fins, fragiles. Il se berce de ce geste de reconnaissance et de tendresse. Son corps oscille, sa tête dodeline. Le père Antonin le reçoit dans ses bras, déjà endormi, les yeux clos de sommeil. Il le couche dans son lit, l'unique lit de sa maison, et va ramasser les morceaux de verre éparpillés. Puis il va s'allonger aussitôt, sans manger. Il n'a pas faim, près de l'enfant. Il est bouleversé et trop ému pour réfléchir. Cette nuit-là, il rêvera de Gabriel. Gabriel, son tout petit, ce petit-fils, le fils de sa fille, cet enfant que la mère, on l'a dit du moins, lui a pris, car on n'a jamais retrouvé le corps, ni aucune explication à la disparition de l'enfant. Après ce drame, sa fille n'a pas supporté de vivre sans ce petit être. Elle est morte. Elle sait. Même en rêve, le père Antonin n'acceptera pas cette monstrueuse vérité. Lui, il a toujours cru, imaginé qu'un jour le petit Gabriel leur serait rendu. Il n'avait pas fêté ses 2 ans. Cela faisait déjà plus de 5 ans. C'était lui que le vieil homme guettait à l'horizon des marais salants. Le lendemain et les jours suivants, le père Antonin se rend à son ouvrage de patience et toujours l'enfant le suit, partout, comme s'il voulait écouter ce que le père Antonin lui explique sans relâche, comment il laisse couler l'eau de mer par les étiers vers les salines, puis vers les œillets, comment il mesure le degré de sel et la profondeur des eaux, comment il recueille le sel tiré du centre des œillets, du bout de son long râteau, avec une précision infaillible. Le vieil homme solitaire parle, parle sans se lasser. Pourtant, l'enfant ne témoigne jamais d'attention réelle à la parole du père Antonin. Elle lui semble peut-être une musique étrange. Gracile, l'ombre plus fluette encore, l'enfant semble danser sur les étroits chemins d'argile, équilibriste savant, léger comme un papillon, tour à tour silencieux ou rieur, parfois disant sa phrase unique, il joue avec les taconiques du sel récolté. Il pose ses mains à la base et monte vers la pointe en une caresse où scintillent les cristaux comme des paillettes d'argent. Il prend le sel dans ses poings et le laisse s'écouler comme un sablier sans fin qui remonterait le temps sans se lasser. Il le hume, y pose sa tête comme sur un coussin de duvet et parfois même s'endort, désarmé comme une rose sur la neige. D'autres fois, il porte ses mains serrées à son oreille et écoute crisser le minéral entre ses paumes. Le père Antonin sait que l'enfant n'est pas sourd quand il l'entend rire à perdre haleine à cette musique particulière et unique des grains translucides. Mais ce que l'enfant préfère, c'est dessiner des chevaux imaginaires sur les croûtes de fleurs de sel, dans les carrés d'eau. Il trace sans fin des cavalcades fantastiques, des coursiers magiques, et ne dit que quatre mots. Le cheval de sel. Et il rit, et le père Antonin rit avec lui, sans comprendre, avec pour seule raison ce partage d'une joie qui lui est étrangère. Parfois des larmes se mettent à couler sur ses joues, il les laisse se mêler à l'eau de la mer comme au temps de la disparition de Gabriel. Mais, aujourd'hui, ses larmes n'ont pas l'amertume de la détresse et du désespoir. Il pleure, il rit, il ne cherche pas à savoir pourquoi, pour qui. Sa vie n'a plus qu'une lumière, ce délicat et gracile enfant mystérieux et secret, étrange. Il n'a plus peur de ce rire hors du commun, si musical, si détaché, si limpide. Il sait comment l'empêcher de perdre sa joie. Il prend doucement la main de l'enfant, la caresse, la porte vers le dessin de sel et dit, en hochant la tête, « Le cheval de sel !» Alors l'enfant retrouve le souffle et l'accent d'une jubilation qu'il est seul à connaître, mais dont il sait offrir le bonheur au vieil homme. L'enfant ne se nourrit que de lait et d'un peu de ce sel si parfumé de rêves de grand large, qu'il porte à la bouche et suce avec délices. Le père Antonin ne vit plus que pour cet être tombé dans sa vie et qu'il ne peut s'empêcher d'appeler Gabriel. Gabriel est le cheval de sel. Sa présence permanente près de lui a intrigué les paludiers, compagnons de travail du père Antonin. « Où as-tu déniché ce gamin, Antonin ? Ne nous dis pas que c'est ton petit-fils. Comment ? Pourquoi ?» Que dire ? Que répondre à toutes ces questions ? Le père Antonin est un homme honnête. Il doit expliquer. Mais alors, on lui prendra l'enfant. Il ne peut supporter cette idée. L'enfant l'a choisi. Il en est sûr. Il ne peut trahir cette confiance innocente. D'ailleurs, à qui peut appartenir un enfant comme lui ? S'il appartenait à quelqu'un, cela se saurait. On le rechercherait. Le père Antonin hoche la tête. Il laissera croire que cet enfant est son petit-fils. Laissera dire qu'il est simple et a été exilé pour cela comme d'une honte qu'il aurait fallu cacher. Il gardera l'enfant près de lui. Il l'aimera. Car il a tant d'amour à donner. Il l'aidera peut-être à grandir. Il ne peut imaginer le perdre. Il l'appellera Gabriel, un peu comme si Gabriel lui était rendu, était revenu. Le père Antonin rit chaque jour avec l'enfant, et chaque jour Gabriel dessine de nouveaux et éphémères chevaux de sel. Le père Antonin sait que dans ce corps gracile qu'il a voulu habiller de blanc comme un sel pur, sous cette chevelure d'argile, dans ce visage pâle aux yeux de sel, se cache un être fragile et fort, innocent et savant, merveilleux et tendre, qu'il veut accompagner. Chaque soir, lorsque les vitraux de la terre se fardent de bronze, d'or et de cuivre, comme des miroirs magiques, le vieil homme et l'enfant, le père Antonin et Gabriel, rient en se donnant la main. Rentrent chez eux boivent un verre de lait et croquent un grain de sel, s'endorment côte à côte à la poursuite d'un chimérique cheval de sel. À cela, il n'est besoin de rien ajouter. Ah si, un journal local s'était fait un jour l'écho d'un fait divers peu important. Un petit garçon de l'Institut X a disparu au cours d'une sortie en groupe à la mer. La police recherchait cet enfant, orphelin, inadapté, de 7 ans, qui ne parlait pas et avait un niveau mental de 2 ans. On ne parlera plus de cet incident. Personne n'a réclamé l'enfant. Personne ne l'attendait. Ici se termine Le cheval de sel de Géode, Ham. Enregistré par Christiane Johan, sous licence CC BY-NC-ND. Illustration musicale museopen.org.